sortait les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles. Et si on pouvait lancer comme la première fois en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch encore roulaient. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, si on mettait nos vies sur pause un instant. Plus de messages et plus d'images. Rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles. C'est comme la première fois, surtout ces Shabadabada. C'est déhanché sur un air disco. Pas d'effet chaussure. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Guimauzo. Vous êtes sur le 107FM, merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez également sur le web www.radioguimauzo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Bonjour le Québec, bonjour le Maroc, bonjour la Belgique et la Suisse. Alors bonjour la technique, bonjour Lou. Bonjour Gilou, bonjour tout le monde. Bonjour Lou. Comment vas-tu Lou? Bah écoute, moi ça va très bien. C'est bien. J'aime bien quand Lou elle me fait la technique. Elle a une super de belle voix. Oui, et puis elle a un sourire, ouais. C'est un rayon de soleil je dis toujours. Ah là là, merci. Mais non, merci, c'est ça, c'est ça. Alors vous êtes avec Gilou dans les années bonheur, je vous accompagne pour ces 90 minutes d'antenne en musique et en direct jusqu'à 17h30. Pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Caroline Jonf, originaire du Québec, auteur-compositeur-interprète. Caroline va nous parler de son univers et parcours musical. Avant de rejoindre mon invité, un petit coucou au fan club des années bonheur. Un petit bisou à Mado, mon amie animatrice que j'avais à côté de moi la semaine dernière. Nous avons fait une émission ensemble, deux animateurs, ça donnait. Alors n'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio, ainsi que sur la page Gilles Mougel officielle. Et je vous attends au standard, bien sûr, au 03 29 62 40 40 pour nous faire un petit coucou et pourquoi pas interagir avec mon invité que je rejoins maintenant. Bonjour Caroline. Bonjour Gilou. Comment vas-tu? Ah, voilà, je vais super bien. Super bien, ça va? Super bien. Comment tu veux pas aller bien dans une pareille belle région? Ah, c'est vrai, c'est formidable, les Vosges. Ah, ouais, c'est beau, ouais. Surtout là, on a le soleil, tout ça. Oui. Alors Caroline, tu n'es pas venue toute seule? Non. Hein? Je viens accompagnée d'un beau garçon. C'est dommage que ça soit la radio, parce qu'on ne le voit pas. C'est ton chum. C'est comme ça qu'on dit en québécois, c'est ça. Québécois. J'apprends des choses. Donc Christophe qui est là à nos côtés. Bonjour Christophe. Bonjour Gilles, ça va bien. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. C'est vrai que c'est une belle journée. Là, on a du beau soleil. C'est magnifique. Formidable. La région, c'est vraiment super. Voilà. Alors, vous venez tous les deux de la région Alsace. Enfin... Vous venez d'Alsace, hein, ouais. Vous nous avez rejoints dans les studios là, d'Alsace. Ouais. Voilà, une belle région aussi. Ah, c'est magnifique. Moi, je suis en amour complètement avec l'Alsace et les Alsaciens. Oui. Pas tous, quand même. Un en particulier. Donc, alors, je voulais aussi remercier David Vincent. David Vincent. Un peu qui nous a mis en relation, voilà, ensemble pour faire ça. Pas juste pour ça. David Vincent, pour ce qu'il est en tout et partout, c'est un gars formidable. C'est sûr, c'est vrai que David est très, très... Tant mieux, c'est grâce à lui si on est là, effectivement. C'est comme je dis toujours, on est une belle famille sur Facebook, oui. Parce que c'est vrai, on croit des fois, je dis tiens, je ne connais pas la personne là, mais si en fait, finalement, voilà, on se rencontre bien sûr, et on fait de belles le rencontres. Le monde est de plus en plus petit d'ailleurs avec Facebook. C'est vrai. Oui. On fait toujours de belles rencontres. Voilà. Alors Caroline, oui. Donc toi, à l'origine, tu es québécoise. Je suis origine québécoise. Parce que je suis née sur le territoire québécois. Je suis née à Havre-Saint-Pierre, ça s'appelle. C'est au nord-est du Québec. Oui. Mais mes origines sont... aussi acadienne. Donc, d'accord. Je suis une acadienne québécoise. Ok. Et alors, quand est-ce que tu quittes le Québec? J'ai quitté le Québec à des tonnes de reprises. C'est quand est-ce que je reviens au Québec qui serait la question. Quand est-ce que je reviens au Québec? Je ne suis pas la partie pour revenir à Québec pour y rester. D'accord. Je passe à peu près 3 mois par année au Québec. Mais tu as commencé à chanter au Québec. C'est là que ça a commencé. J'ai commencé à chanter au Québec quand j'étais jeune. Ouais. Plus jeune, mais ma carrière vraiment a commencé plutôt ici en France. Plutôt ici en France. Oui, il y a maintenant 18 ans passés. D'accord. Depuis ce temps-là, ça fait 65 tournées. Tournées en France. En France, oui. Oui. Puis j'ai vu aussi un peu aussi à l'étranger aussi. À l'étranger, oui. J'ai à l'étranger. Fait plusieurs autres pays aussi. Belgique, non. Belgique, pas encore. On s'en va là. Ça s'en vient. En Suisse, ça... Suisse, non. La Suisse. La Hollande. L'Allemagne. L'Allemagne. L'Allemagne. Ensuite, on est allé. Au Liban, on est allé en Espagne, et après ça, on est beaucoup, beaucoup aux États-Unis. D'accord, aux États-Unis aussi, oui. Ça fait déjà... Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas on mal. On fuit l'hiver. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, on a eu l'occasion de se rencontrer avant l'émission, de faire un petit peu connaissance, oui. C'est vrai. Donc voilà, mais je veux dire alors ce petit surnom de Tornade Rouge. Ah, Tornade Rouge. Alors, c'est venu comment ça, Caroline? C'est venu juste à me voir aller, parce que si vous demandez à ma mère c'est pourquoi Tornade Rouge, elle va vous répondre parce que t'es une vraie tornade, tu passes comme un coup de vent, un gros coup de vent. C'est toujours ça, c'est beaucoup d'énergie. Et beaucoup d'énergie, voilà, j'ai beaucoup c'est ce que d'énergie, j'allais dire aussi. Et puis c'est vrai qu'il y a tout le temps un coup de vent partout. Ouais, ouais. Et puis que j'ai les cheveux rouges. Alors quand je passe, ça fait comme une tornade. On passe pas inaperçu. Hein. Oui, ça tourne. Ça va, Christophe, il n'y a pas de problème, je veux dire. Non, la tornade n'est pas trop... Non, ça va. On a... Ok, c'est bien. Alors, moi, je veux dire, pour donner un petit peu le ton en émission, et puis bien sûr, c'est vrai aussi dans tes chansons, je pense aussi, on ressent cette énergie. Oui, tout à fait. C'est dans ma personnalité, c'est dans le tempérament. Bien sûr, oui, on ressent cette énergie dans les chansons. Et donc, on va écouter une première chanson. Donc voilà, ça va donner le rythme hein, dans l'émission. Voilà. Okay, on va écouter donc danser ma vie avec toi, puis tu nous en parles après, d'accord? D'accord. Allez, on écoute. Si tu me suis, mon bel amour, je te donnerai tout ce que j'ai. Je n'ai pas rien, regarde bien, je suis riche à craquer. J'ai 4 saisons, des chansons et un cœur pour t'aimer. Que je te donnerai entièrement si tu veux bien danser. Allez, viens, mon bel amour, viens valser dans ma galère. Viens faire de mon grand fouillis notre nouvel univers. Viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. La vie veut nous mener. Mon amour, j'ai pris rendez-vous avec la liberté. Y a pas de rêve auquel on croit qu'on ne peut réaliser. On y arrivera, crois-moi, mais ce soir, viens danser. Allez, viens, mon bel amour, viens valser dans ma galère. Viens faire de mon grand fouillis notre nouvel univers. Viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que c'est danser ma vie avec toi. Si tu me suis, mon bel amour, on cherchera le bonheur. Pour moi, je sais où il se cache, il est là dans mon cœur. Le bonheur, tu sais, dans la vie, il n'est jamais bien loin. C'est une place au chaud dans notre lit et du pain chaque matin. Allez, viens, mon bel amour, viens valser dans ma galère. Viens faire de mon enfouillis notre nouvel univers. Viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. « Voilà, Danser ma vie avec toi, Caroline, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chanson? Je peux vous dire que je suis rendue à une période de ma vie où tout ce qui est pénible, je n'en veux plus maintenant, j'ai décidé de danser ma vie. C'est ce qui veut dire que je laisse derrière toutes les choses qui ne me permettent pas d'avancer, qui ne me permettent pas d'évoluer. Tout ce qui est négatif, par exemple, tous les soucis, tout ce qui est négatif. C'est complètement derrière. Ouais. Maintenant, j'ai décidé de faire de ma vie la vie que je veux, la vie que j'aime, de la danser, de la chanter, et avec les gens que j'aime, j'aime autour de moi. Donc, c'est dédié, bien sûr, à mon bel amour qui est devant moi, là. Voilà. Et j'ai envie qu'on aille juste vers le beau, le vrai, le positif. Bien sûr, allez, puis aller loin, plus loin possible, avec de belles choses. Absolument. Ah, c'est ça. C'est ce que je veux dans ma vie. C'est ça. Et puis c'est vrai que cette. Alors ce texte, puis cette mélodie, ça c'est entraînant, c'est ça donne bien l'envie de. Voilà, comme tu expliques. Donc je rappelle que tu es auteur-compositeur. Oui, auteur-compositeur. Et puis interprète, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc quand tu écris, quand tu écris une chanson, Dans quel mood, à la maison par exemple, je sais pas, où tu t'isoles, comment ta façon d'écrire. Il y a différentes façons d'écrire, mais surtout comme je t'ai dit tout à l'heure, que j'ai eu une tornade qui s'abouche beaucoup dans ma vie, tout ça. Alors il se passe des choses dans ma vie qui me permettent justement d'avoir des choses à raconter. D'accord. Je vois des choses et les choses me touchent, les choses me font rire ou les choses m'enragent. Et quand arrive un moment où j'ai un peu, je peux me poser un peu. D'abord, je vais prendre des notes sur ce que je voudrais faire. Puis ensuite, le moment où je suis posée, je vais pouvoir élaborer un petit peu plus. Écrire la chanson un petit peu plus en détail, précisément. Oui. Et puis ça se fait tranquillement comme ça. Mais c'est beaucoup, beaucoup dans la nuit, très malheureusement. Oui, mais je crois que c'est beaucoup d'artistes. En période d'écriture, je fais des insomnies incroyables parce que j'ai des chansons qui me roulent dans la tête à la nuit longue. Puis si je ne me lève pas pour aller écrire ma chanson, je la perds, le lendemain, je ne l'ai plus. Oui, bien sûr. Combien de chansons j'ai écrites en pleine nuit? D'accord. C'est comme ça que ça vient. Christophe, ça va, elle te réveille des fois. Souvent, je la cherche, mais là, je me dis, c'est bon, elle compose, c'est bon. L'album s'en vient. D'accord. C'est vrai, alors, quand j'ai écouté tes chansons, forcément, c'est vrai que je trouve qu'il y a des beaux textes, il y a des belles mélodies, et on voit que, de toute façon, on va écouter tout à l'heure aussi des textes qui sont beaucoup... Plus triste, malheureusement. Plus touchant, Plus touchant, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des choses qui ne sont pas très gaies. En 2018, je vais vous dire une chose, qu'il faut rester positif, il faut faire souvent abstraction de bien des choses, parce qu'on pourrait vraiment... tout ce qui se passe autour de nous, c'est impossible que ça ne vienne pas nous toucher. Et moi, la façon que je peux exprimer ce que je ressens, mes sentiments envers ça, c'est écrire les chansons. Bien sûr. Mais c'est sûr et certain qu'en 2018, regarde, c'est pas facile. On ne vit pas dans un monde facile. Non, on ne vit pas dans un monde facile. Ça fait déjà plusieurs années que c'est vrai. On l'entendra dans une de tes chansons. C'est pour ça que c'est le fun aussi d'écrire des choses positives, essayer de mettre un peu de soleil dans ce monde de... Oui. De fou. Ouais, de fou. De fou, on peut dire, c'est vrai. On a encore vu ça il n'y a pas longtemps. Ouais. Alors, j'ai un petit message de mon amie Mado, animatrice, donc, qui est sur Radio. Radio. Sur Radio. Ah, elle est sur... Non, Mado, excuse-moi, Mado, je sais qu'elle m'écoute. T'es pas sur un Radio. Je veux dire, sur Radio Puzalène, en Picardie, qui nous fait un petit coucou. Alors, dis coucou Gilou, je t'écoute, sois sérieux, comme toujours, Mado. On en a la preuve. J'aime bien la bonne humeur. Bonne émission, bisous à ton équipe, à Lou et Marc, et à tes artistes. Voilà. Ben, merci Mado. Voilà, c'est Mado. Coucou à toi aussi, on espère aller te voir en Picardie. Ben oui, bien sûr, on va voir ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on a des artistes qu'on aime bien tous les deux. Enfin, tous les deux. Il y a d'autres animateurs aussi, bien sûr. Et voilà, comme je disais en aparté tout à l'heure, on voit avec les artistes comme ça. Quoi. Et on sont contents d'aller voir dans d'autres radios. Moi, c'est déjà radios qui... comme tu sais, ça fait 65 tournées. Oui. Donc, les premières années où je venais ici, j'allais souvent dans le nord de la France. J'avais des amis qui habitaient là-bas, puis qui avaient de la famille. On allait souvent dans le nord de la France. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Même. D'accord. Alors, je veux dire, c'est vrai que, bon, c'est des régions où les gens sont charmants. Oh, très, très, très. Dans le nord, généralement, en Belgique. Oui. Ah oui. C'est des gens qui sont super, c'est vrai, hein, bon, partout, mais ben, on sent une chaleur là-bas. Je vais te dire que là, j'ai des bons amis belges et je les adore, mais pas à peu près. J'ai fait un album dernièrement avec un Belge qui s'appelle, son nom de scène, c'est Rudy Morgan, et son nom, son vrai nom, c'est Didier. J'ai assez Van de misère. Van Aren. Et c'est un amour d'homme. Ouais. D'accord. Tout comme David. Et puis on a aussi un ami belge qu'on aime assez. Pierre, qui fait parole avec moi. Ouais. Qui habite en Suisse, mais oh là là. Oui. Non, c'est vrai qu'ils sont adorables, ces gens-là. Adorables. C'est des gens qui s'impliquent. Hein. Oui, beaucoup. Puis qui ont une parole. Ouais, c'est ce qui est fait. Alors, on va écouter une autre chanson. Oui. Hein? Bien sûr. Alors là, on va écouter Une Vague Bleue. Ah oui. D'accord. Oui, album numéro. Donc on écoute une Vague Bleue, puis on en reparle après. D'accord. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un amour qui aurait existé, c'est comme un soleil. Là-haut dans le ciel, ce n'est rien que moi, tombant dans tes bras. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme une histoire que j'aurais inventée. C'est comme le vent, un soir de printemps, ce n'est rien que moi, dansant avec toi. Je danse avec toi, je ris avec toi, je flotte avec toi, mon Dieu, comme j'aime ça. Je dors avec toi, je rêve de toi, je suis dans tes bras pour longtemps, je crois. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un secret que j'aurais bien gardé. C'est comme une fleur posée sur mon cœur, ce n'est rien que moi, dormant contre toi. Je danse avec toi, je ris avec toi, je flirte avec toi, mon Dieu, comme j'aime ça. Je dors avec toi, je rêve de toi, je suis dans tes bras. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un espoir que j'aurais effleuré. C'est comme un bateau voguant sur les flots, ce n'est rien que moi, rêvant près de toi. Je danse avec toi, je ris avec toi, je pleure avec toi, mon Dieu, comme j'aime ça. Je dors avec toi, je rêve de toi, je suis dans tes bras et pour longtemps je crois. Je danse avec toi, je ris avec toi, je pleure avec toi, mon Dieu, comme j'aime ça. Je dors. Voilà, Une Vague Bleue, hein, interprétée donc par Caroline. Voilà. C'est une belle chanson, ça, Michel Thor. Alors, toutes les chansons de Michel Thor sont magnifiques. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Non, mais je veux dire, là, il y a une superbe voix. Là. Je trouve que tu l'interprètes bien. Merci. C'est vrai que. Elle a bercé mon enfance tellement, Michel Thor. C'était la chanteuse préférée de ma mère. Hein. D'accord. Donc, ouais. Je l'ai entendue en boucle. D'accord. Donc, son répertoire, le connais. Donc, c'est vrai qu'il y a des très belles chansons. Et puis, bon, je dirais après, ça n'est peut-être pas non plus facile à interpréter Michel Thor, parce que c'est quand même cette belle voix, puis une voix quand même assez haute perchée. C'est assez puissant. Comme interprète. comme façon d'interpréter, c'est, il faut aller quand même, faut quand même avoir la voix. La voix, oui, oui, bien sûr. Dit, tu peux pas faire Michel Thor si tu peux pas monter un petit peu. Bien sûr, hein, ouais. Donc. Ça te viendrait pas, enfin, on en a peut-être parlé un petit peu tout à l'heure, de faire un album comme ça avec des chansons de Michel Thor. Ça me dirait vraiment beaucoup. J'adore la chanson française d'abord. Oui. Mon enfance a été bercée par ces grandes chanteuses. Il y avait Michel Thor, il y avait Dalida, il y avait Edith Piaf, oui. Il y avait Mireille Mathieu. Ah oui, Mireille Mathieu, ça, oui, bien sûr. Toutes les grandes chanteuses, tu vois. Ouais. Moi, j'ai été bercée par ça. Je connais ce répertoire-là sur le bout des doigts. C'est sûr que quand on est jeune, on dit c'est les tunes de ma mère, hein. Mais après ça reste que c'est ça reste. Dans moi, bien sûr, j'ai grandi avec ça et qu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir les chanter. Effectivement, ouais, c'est intéressant. Donc oui, ça me dirait vraiment de faire un hommage à ces grandes chanteuses. Chanteuses, ouais. Et c'est vrai que nous, je le dis souvent, c'est vrai qu'on se répète un petit peu. Je dirais en tant qu'animateur, c'est vrai que nos parents nous ont beaucoup influencés. Ah, énormément. Hein, c'est vrai, on écoutait ces belles chansons. Je dirais du patrimoine français qui est formidable, qui est toujours d'actualité. Hein. C'est des chansons immortelles. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est formidable ces chansons-là, quoi. Je veux dire, voilà, ça reste. Ça reste. Et j'ai toujours un doute, enfin un doute maintenant sur ce qu'il fait maintenant. Enfin, c'est pas une critique, là, sur ce que la jeune génération. Je ne sais pas si ça restera comme ça. Je sais pas. Après, bon. C'est différent. C'est différent. Maintenant, tout est tellement différent. Mais ça va rester quand même dans les grands classiques. Ces grands chanteurs et chanteuses là. Oui. C'est là pour rester. C'est vraiment des immortels. Bien sûr. Et maintenant, ce qui se passe en produits de mode aujourd'hui, je pense que ça va demeurer des produits de mode. C'est-à-dire que ça fait de mode et puis après c'est fini. Et c'est bien malheureux. Bien sûr, ouais, c'est vrai. On n'a pas des grandes légendes. Dommage. Peut-être qu'on va en avoir. Je parle peut-être à travers mon chapeau, parce que c'est certainement plus... Mais cela, c'est cela. D'accord. Il n'y a personne qui va remplacer John Hallyday. Hein. Ah, ça c'est vrai. John Hallyday. Dalida, c'est Dalida. Le taulier, comme on en avoir. Ici, il peut y en avoir en 2018. Mais, oui. Alors, j'ai un petit message. Oui. Donc, ça vient de Lynn, qui est du Québec. Hein. Oui. Alors, elle me dit aloha, chef, parce qu'on s'appelle chef des fois. Enfin, c'est pour la petite, pour la bonne humeur. Donc, souhaite la bienvenue à tous. C'est plaisant d'entendre un petit peu de chez nous sur les ondes. Mm-hmm. Plaisir de découvrir son univers musical. Voilà. Ah, ben Lynn, ça me fait vraiment plaisir. En passant, tant qu'à saluer Lynn, voilà. Que je ne connais pas encore, mais que j'espère connaître, j'aimerais aussi saluer tous nos amis du bien Québec sûr. Qui nous suivent pas à pas. Pas à pas, exactement. Qui sont certainement à l'écoute. Je parle comme Solange, Martine, je ne les nommerai pas toutes parce qu'il y en a une gang. Il y en a pas mal. Écoutez, je sais à peu près tous ceux qui sont en train de m'écouter en ce moment, puis je pense à vous autres. On pense à vous autres, moi puis Christophe, oui, bien sûr, puis... On aimerait donc ça vous emmener tous ici, parce que si vous saviez comment c'est bien, on vous salue en tout cas. Ben c'est très bien, non, mais merci, c'est vrai que c'est sympa. Alors, je lisais sur ta bio, donc Caroline, une artiste attachante, charismatique. Une femme confirmée avec des convictions. Qui donc, sait ça, on l'a bien senti quand même. Qui c'est qui a écrit qui ça? Qui c'est qui a écrit ça? Qui c'est qui a écrit ça? Oh là là. On l'a bien senti quand même. Enfin, même, on va pas tout dire quand même aux auditeurs. Hein. On s'est vu un petit peu avant quand même. On s'est vu un petit peu avant. On a pu faire la connaissance. C'est vrai que c'est sympa quand même. Moi, j'ai assez rare. Enfin, tout se passe toujours bien, mais je veux dire, c'est vrai, comme ça, de passer une petite heure. Avant de faire l'émission, c'est très agréable, c'est vrai que... Ben, je trouve ça important, je dis, tu nous donnes la chance de venir sur les ondes ici. Oui, bien sûr. Puis moi, j'aime mieux le contact en face. Bien sûr. Au téléphone, oui, on aurait fait une entrevue au téléphone, ça aurait été chouette aussi. Oui. Mais en face, on se connaît mieux. Oui, c'est en plus face, convivial, je dis toujours, c'est vrai. Les sentiments sortent mieux, l'émotion est plus... On arrive à faire des belles photos. Bon, je vais aller coucher. Je suis à l'eau. Pourtant, on n'a pas vu. Hein. Je vous promets, on n'a pas vu. On était pour un petit verre, mais c'était que de l'eau. Donc, je veux dire, je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Je ne sais plus. Enfin, j'ai un trou. T'as dit qu'on s'est vu avant. On s'est vu avant, voilà. C'était bien. Oui, voilà. Non, je voulais dire oui par téléphone. On arrive quand même à faire des belles émissions. Ben oui. Mais c'est pas pareil quand même. C'est pas pareil quand même. Ouais. Mais quand même en live, voilà, c'est super sympa. Je pense que là, voilà, nos auditeurs, nos auditrices doivent entendre sur les ondes qu'il y a de la bonne humeur. Ben Puis, je veux dire, ben on est gâtés quand même. On a des grands sourires là dans le studio. C'est bien. Alors, Caroline, tu es une fille du Nord. Oui. Hein, c'est ça, du Nord, donc du Québec. Du Nord-Est du Québec. Du Nord-Est du Québec, tu l'as dit tout à l'heure. Alors, on va l'écouter. D'accord, d'accord cette chanson. D'accord. Donc, une fille du Nord. Sur des aurores boréales, j'ai déjà attrapé des milliers d'étoiles. J'ai vu se lever des soleils sur des glaciers vermeils, et la mer me murmurait la chanson de la paix. Moi je parle rivière, au vent et à la mer. On parle de beauté, de silence et d'été. C'est eux qui mettent dans mon cœur des mots qui parlent de bonheur. Ensemble on a composé des chansons de liberté. Je suis une fille du Nord, dans l'âme et dans tout mon corps. J'ai en moi un paradis qui me rappelle qui je suis. Et quand je suis là-bas, quelque chose brille en moi. J'ai en moi un trésor, les couleurs. Plus de temps, il n'y a même plus de 16 ans. Mon pays porte longtemps son élégant manteau blanc. Et quand il change de peau pour un été plus chaud, il n'y a pas de pays aux vêtements plus jolis. On respire sa vie. Là-bas on devient libre et le reste on l'oublie. Là-bas la guerre et la haine en place au chant des baleines. La paix nous vient en dedans, emportée par le vent. Je suis une fille. Voilà, vous êtes donc sur le 107FM dans les années bonheur avec mon invité de cet après-midi, donc Caroline Jonf. Je prononce bien Caroline, excuse-moi. T'inquiète pas. J'articule. Non, quand j'arrive à essayer de prononcer non, c'est pas, ici. Je me moque pas. Hein. De toute façon, même si tu te moquerais, c'est moi, je vais te dire, tu pourrais te moquer de ma gueule en masse quand j'arrive à prononcer des mots en alsacien. Ou en... Oh là là. Okay. Oh là non, non, non, c'est pas facile. Oui, bien sûr. Donc je te pardonne. Alors, une fille du Nord. Oui. Mais maintenant, t'es plus une fille je dirais, de l'Est. En France. C'est le, en France, notre région, nous quitte jamais. Hein. Moi, je suis d'où je viens. Hein. Je suis, c'est ça qui a fait que je suis la fille que je suis devenue, d'être une fille du Nord, d'avoir grandi là-bas, d'avoir eu l'enfance que j'ai eue, d'avoir été entourée de cette nature exceptionnelle, d'avoir grandi avec, par exemple, avec les Amérindiens qui venaient à l'école avec moi chez nous, les Inuits. Tout ça fait ce que je pense aujourd'hui et ce que je suis devenue et mes convictions et ce que je veux dans la vie. Donc, ben, c'est sûr et certain que j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu mauditement de la chance dans la vie de beaucoup, beaucoup voyager. Ce qui fait en sorte que j'apprécie d'autant plus la région d'où je viens. Oui, oui, bien sûr. Mais j'ai beaucoup de chance aussi de pouvoir vivre, par exemple, en Alsace. En Alsace, pouvoir, oui. Donc, voyager, voilà, c'était, voilà, donc là, vous êtes... Découvrir d'autres cultures. Ouais, vous êtes en Alsace, là, donc... Oui, pour l'instant, je suis une fille de l'Est. Une fille de l'Est. Ouais. Ah, ça me fait penser à une chanson. Patricia Cass. Patricia Cass. Ouais, j'adore Patricia Cass. Une fille de l'Est. Et c'est bon, l'adaptation, je veux dire, en France, là, ça n'a pas été trop difficile. Pour moi, c'est pas difficile. J'ai beaucoup travaillé avec les Français. J'ai toujours travaillé avec les Français, d'autant que je me souvienne. Puis c'est pour ça d'ailleurs que ma carrière s'est passée plus sur ce côté-ci. C'est drôle, hein, parce que j'aurais pu développer sur le Québec. Oui. Oui. Mais en fait, avant d'arriver à chanter professionnellement, ça va faire presque 20 ans là, que je chante professionnellement, mais avant, j'avais été étudiée pour faire un métier qui allait... que j'allais avoir juste au cas où ça ne marche pas dans la chanson. Bien sûr. Et le métier que j'avais choisi était dans le tourisme. C'était guide accompagnatrice. Et j'accompagnais des Français sur l'Amérique du Nord. Ce qui fait en sorte que, que j'ai beaucoup connu de Français. Oui. Beaucoup travaillé avec cette culture-là. Donc, je connais bien la culture française. Ce qui a fait en sorte que c'était beaucoup plus facile de venir ici et de m'intégrer. Bien sûr, oui, d'accord. Et puis, ben, là, c'est ça. Et c'est vrai que, bon, la France et puis le Québec, ça a toujours été, je veux dire, on a toujours été bien... C'est lié. Culturellement parlant, etc. On a toujours été très liés. Oui, c'était français quand, d'abord, c'est les Français quand fondé le Québec, qui sont venus les premiers en Amérique du Nord. Donc, déjà là, à la base, on est français. C'est sûr qu'avec les années, on s'est développé notre propre culture, notre propre histoire. Oui. Mais à la base, quelque part, on a quand même cette culture-là. Par exemple, ça paraît de plus en plus avec les années, on voit que notre culture française remonte à la surface de plus en plus. Par exemple, le vin. Oui. Avant, les Québécois, c'était des buveux de bière. Puis maintenant, un peu comme les Belges. Et puis maintenant, ben, c'est de plus en plus des buveux de vin. Oui, ben je m'en suis un petit peu aperçu. Moi, du coup, quand on me reçoit ici, vous pouvez être sûr que ça m'aperçoit. Non, tout à l'heure, on était sage. On est en entrevue, on n'est pas pour être mal commode. Je crois savoir qu'au Québec, on boit un petit peu de vin quand même. On aime bien ça. Je connais quelqu'un qui va sourire derrière, qui va écouter. Alors, j'ai un autre petit message. Oui. D'une amie aussi. Donc, Dani. Alors, Dani, on te fait des coucou. Je sais que tu es à l'écoute. C'est une fidèle auditrice, Dani aussi. Donc, elle me dit coucou, Gilles Bellevoix, cette chanteuse. Alors, elle me dit Lolo, mais je pense qu'elle me dit bravo. Alors, elle dit je suis du Nord aussi, mais je préfère le Sud. Ah! C'est trop drôle ce qu'elle dit là. Elle me dit cela sent bien le country que j'adore. Ah voilà. Oui, je suis une chanteuse de country. Donc ça c'est Dani qui est une belle aussi auteur. Elle écrit de belles chansons, Dani aussi. Ah bon. Voilà. Ouais, ben salut Dani. Voilà. Ça me fait plaisir. Et puis si tu es une fille du Nord qui aime le Sud, je peux te dire que je suis une fille du Nord qui adore le Sud. En fait, on passe nos hivers en Floride. Je suis 5 mois par année là-bas. Là, ça fait penser à une chanson d'Enrico Macias. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez. Le Sud. Ah oui. Non, c'est pas le Sud. Non, c'est pas le Sud. Les gens du Nord. C'était une belle j'adore. Chanson qui parlait en fait du nord de la France, c'est vrai, chantée par Enrico Macias, et non pas un autre Enrico que je recevrai bientôt dans l'émission. Voilà, alors, que peut-on dire ? Oh là là, je vais y arriver moi. Alors, je vois donc Caroline sur ta bio que tu as vu, t'as rencontré Linda Lemay, c'est ça ? Oui. Linda Lemay et Zachary Richard. Zachary Richard, hein, donc, qui ont une belle que j'adore. D'ailleurs, c'est mes idoles. Hein. rencontrer et partager des plein de choses. Hein. J'ai pas juste rencontré, j'ai aussi eu la chance de connaître bien. Oui, oui. J'ai aussi eu la chance de connaître aussi Décriveur, qui était l'idole de mon père. Incroyable. J'ai fait des duos avec Décriveur. D'abord, Linda Lemay m'a écrit une chanson qui s'appelle L'amitié. Oui. Linda, j'ai eu la chance vraiment de la rencontrer souvent. Elle est venue aussi à un lancement d'album que j'ai fait à Montréal. Oui. Quand elle est quelque part où c'est possible qu'on se voit, on se voit. D'accord. Zachary Richard, j'ai fait plusieurs aussi choses avec lui. Mm-hmm. Ils m'ont aussi écrit une très, très belle chanson. J'ai fait des émissions avec lui. Décriveur, j'ai fait un duo avec lui. Oui, d'accord. Ça, c'est cocasse. Ouais. Je suis arrivée, j'ai fait un album en France, dans la région de... Là, il y a Montreux puis Montreuil. Hein. Montreux, c'est en Suisse, puis Montreuil, c'est à côté de Paris. Hein. C'est à côté de Paris, c'est ça, oui. C'est Montreuil. J'ai fait un album à Montreuil. Et puis, c'était le même studio où on enregistre Décriveur. D'accord. Et puis, le technicien me dit, c'était Décriveur ce qui était à ta place. Je dis, non, il a failli me faire pas connaissance. Il dit, pas Décriveur, je l'adore. Il dit, tu connais? Oui. Dans le même micro que tu parlais. Hein. Oh, que oui, que je le connais. J'ai dit, c'est l'idole de mon père. Oui, que je le connais, certain. Il dit, on va le faire demander pour venir te voir. Mm-hmm. Et puis, tellement sympathique. Du coup, on a fait un duo. Ah oui, d'accord, c'est bien. J'ai dit, le rêve de ma vie, dès que c'est faire un duo avec toi. Il dit, il faut que ça se réalise. Bien sûr. Je pense qu'il doit être sympathique aussi, dit Crever. Oui, enfin, très sympathique. Je l'ai vu sur un concert. Mais enfin, j'ai lu pas mal de choses et tout sur cet artiste-là qui a démarré dans les années 60, l'époque yéyé, tout ça. Hein, les gens ici sont un peu surpris quand je dis que je connais bien Décriveur puis qu'il a fait un succès au Québec. Vous savez que Décriveur, ça fait... on l'a plus connu, Décriveur, à mon époque en tout cas, au Québec, qu'on a connu John Holliday. Oui. Il était plus connu. Puis il a fait beaucoup plus de tournées que Johnny. Oui. Aujourd'hui, on le connaît mieux au Québec, mais à l'époque, c'était Décriveur. C'est Décriveur, d'accord. Oh, ouais, bien sûr. Et alors, pour revenir sur, sur notre chanteuse Linda Lemay. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de l'accent un petit peu. Je ne sais pas, mais quand j'ai préparé l'émission, j'écoutais les chansons. Oui. Je sentais aussi une petite note. Moi et Linda Lemay, on a vraiment un même tempérament. Ouais. On se ressemble quelque part. On a à peu près la même vie, sauf qu'elle, elle est plus connue que moi. Mais on a le même genre de vie, c'est-à-dire qu'on a des enfants, on a dû quitter les enfants, on a fait une carrière à l'extérieur. Oui. Nos sujets d'écriture sont les mêmes. On a les mêmes convictions, on a les mêmes sujets. On écrit beaucoup sur les femmes, sur les hommes. Beaucoup de similitudes. Il y a des similitudes incroyables. C'est vrai, quand j'écoutais, je me suis dit, et puis même à t'écouter parler, et puis que Linda Lemay, on l'a vu en France, à la télévision, bien sûr. Tout ça. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui. Il y a des similitudes. On se ressemble beaucoup. Mm-hmm. Puis on l'a constaté. On a beaucoup jasé ensemble, moi et Linda. Puis vraiment. Alors vous avez beaucoup jasé, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on a échangé. Échangé, d'accord. On a parlé, on a placoté. Voilà, ok. Non, mais j'aime bien ces petites expressions comme ça, c'est sympa. Alors, on se réécoute une autre chanson. Oui. Alors, les premières qu'on a entendues, moi, j'aime bien tout ça. Puis alors là, on va parler des hommes. Ah là. Quel beau sujet. Donc, on va écouter les hommes de 40 ans. Et puis, Caroline nous en reparle après. D'accord, d'accord. Merci. Oui. Mon Dieu, c'est pas juste encore une sainte fois. Et que ça me frustre de constater ça. Mais il faut bien dire un homme à 40 ans. C'est bourré de charme, c'est encore attirant. Je dirais même plus, c'est pas pour les vanter. Parce que quand je dis ça, je suis de plus en plus frustré. Mais leurs cheveux grisonnants et leurs petites rides aux yeux les rendent bien séduisants. Ça fait suer, qu'est-ce que tu veux? les hommes de 40 ans qui se laissent pas trop aller. C'est encore bien plus beau, encore bien plus sexy. Et si ça se donne la peine, et puis que ça s'entraîne, ça perd en une semaine leur charmante petite bedaine. Savoir cruiser, ça c'est nous regarder, ça plus besoin de parler, ça a une attitude pleine de maturité, ça c'est qu'avec les yeux, ça peut nous faire craquer, ça commence à comprendre, enfin ce que c'est une femme, et avec les années, trouver ce qui les enflamme, ça pense un petit peu moins, avec le bout d'en bas, ça prend le temps de séduire avant d'arriver là. Ça enfin quoi à dire des plus intéressants que de parler de sport ou de char comme des adolescents. Ça plus besoin de se perdre dans les préliminaires. Rendu à cet âge-là, on a d'autres choses à faire. La quarantaine pour un homme, c'est loin d'être dramatique. Y'en a même qui devraient y arriver au plus vite. Juste que nous les femmes, on devient dépassés. On l'a bien avant eux, cette belle maturité. Hommes de 40 ans, Caroline. Ah, quelle chanson, là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ben, on peut dire que les hommes vieillissent bien, puis que je trouve les hommes qui vieillissent terriblement beaux. Merci, Caroline. En spectacle, je parle beaucoup, beaucoup de la beauté. Oui. Et pour moi, la beauté, c'est loin d'être physique. Je trouve que les femmes, on s'en fait beaucoup trop avec la beauté physique. Tout est dans l'attitude. Hein. Pour moi, tout est dans le beau sourire, dans l'attitude. Bien sûr, d'avoir c'est vrai quelque que... chose à dire, puis être jolie, c'est un sourire, tout simplement. Exactement, le charme d'une personne n'est pas toujours dans son... Dans le physique, nécessairement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Pas du tout. Des fois même, une personne va être bien banale, mais avec tellement un sourire que tu te trouves adorablement beau. Ouais. C'est simplement comme ça, parce que tu l'aimes tout simplement pour ce qu'il est. Bien Alors, sûr. Si on apprenait à s'aimer pour ce qu'on est plutôt que pour le physique, mon Dieu, ça serait tout plus facile. Sûr, ouais. Donc, je tape... J'ai écrit beaucoup de chansons sur nous autres, les attitudes des femmes vis-à-vis, justement, D'accord. la beauté. Ouais. Donc, les femmes matures, hein, sur un album, où là, je nous tape dessus, mais pas à peu près, pour, à la fin, nous dire, regardez-vous donc. D'accord. Vous êtes belle telle qu'elle. Alors, là, ça, c'est des femmes matures, il faudra le découvrir. Vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur YouTube. Ensuite, les hommes, je trouve que c'est pas pareil. Je trouve que vous acceptez mieux le fait de vieillir. Vous vieillissez souvent mieux. Je ne sais pas pourquoi. Oui. De plus en plus, les hommes se tracassent pour la perte de cheveux. Pour... Je regarde Christian. Pour les bedaines. On est un petit peu dubitatif tous les deux, non? Bon. Je sais pas si... Mais c'est bon, beaucoup moins pire que les femmes. Vous n'êtes pas au régime à longueur d'âge. Ouais, c'est vrai que peut-être que oui, chez les dames, c'est peut-être plus difficile on en arrache de plus. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'aussi, il y a peut-être plus de compétition entre les femmes aussi. Il y a peut-être oui, plus aussi, de compétition entre les femmes. Mais maintenant, je constate qu'à la cinquantaine, à la soixantaine, on a des femmes absolument magnifique. Oui, donc, il n'y a pas besoin. On vieillit, qu'on se laisse vieillir, puis qu'on le sache, puis qu'on l'accepte, et puis qu'on fasse avec. On est belle pareil. Bien sûr. Moi, du coup, je le sais. Non, mais comme tu disais, moi, je m'affirme incroyablement. Comme tu disais, un sourire. J'ai là ce que j'ai que je ne dirai pas au micro, non, mais ça, je ça m'en contre, c'est un fou. Je suis belle et je le sais. De toute façon, il n'y a pas de problème. Bon, là, on est en radio, on voit pas, mais il y aura des petites photos qui vont circuler plus tard après. Non, mais je te le dis. Hein. Oui, oui, non, moi, je vois. Je me fous de la personne qui me trouve pas belle physique. Moi, je sais que c'est dans le cœur et dans la tête. C'est vraiment dans l'attitude aussi. Oui. Hein, alors, je reprécise pour Dany, mon artiste aujourd'hui qui est à côté de moi. Elle s'appelle Caroline. Caroline Jonf. Voilà, Caroline Jonf. Voilà, puis bon, bien sûr, c'est canadien. Elle me dit super chanson. Ah ben merci, Dany. Dany, c'est une connaisseuse quand même. Hein. Je lui ai comme dit tout à l'heure, elle est auteure. Ça donc, fait plaisir alors. Voilà. Merci beaucoup, Dany. Alors, pas mal de tournées, beaucoup de tournées, tu disais, hein, oui, Caroline, oui. Beaucoup de là, tournées. Là, on veut de plus en plus. De plus en plus. Alors, on va quand même rappeler que tu es en concert. Oui. Donc, vendredi 8 juin. Hein, si je ne dis pas de c'est bêtises. Vendredi le 8 juin. À Bisheim. Bisheim, c'est bien dit. Hein, c'est bien, Christophe. C'est à côté de Colmar. Hein, c'est le Bisheim d'à côté de Colmar. Bisheim et Bisheim. Et non pas le Bisheim. Non. Parce que je sais que Lou aussi, elle connaît un petit peu l'Alsace. Hein, Lou, hein. Tu connais un peu l'Alsace hein. Bah, je suis du côté de Fessenheim, ah, c'est oui, là où j'ai grandi. Ah, voilà. Donc forcément, je savais bien. Je connais. C'est vraiment proche. Je savais bien qu'il y avait un petit. Mais moi, c'est vrai, je vais tendance à confondre Bisheim et Bisheim. Bisheim dans le Haut-Rhin, Bisheim dans le Bas. Vous allez vous trouver, si vous voulez venir au spectacle, vous allez vous trouver loin, vous allez arriver en temps. Donc vendredi 8 juin, à partir de 20h, voilà, ouais, Caroline, et puis demain soir, on est à Colmar, on est au Murphy à Colmar. Demain soir, tu es à Colmar. Mais ouais. Demain au Murphy, c'est beaucoup des chansons country, mais tandis qu'à Colmar, c'est vraiment un spectacle. Abisheim, un spectacle à Bisheim. Oui. J'ai dit à Colmar. Oui, ah, excuse-moi. Ah oui, bah, une chasse que t'es là pour me. Abisheim. Ouais. Et puis tu dis, on est souvent tourné, on veut l'aide de plus en plus et on veut être dans la région d'Alsace d'accord. De plus en plus. Puis là, ben, puisque les Vosges, ça chevauche, on va peut-être essayer de trouver des endroits sûr, ici dans les Vosges pour venir se présenter. Ça m'a fait un petit peu bizarre. Enfin, pas bizarre, c'est pas. Je veux dire, quand David m'a dit, bon, on nous a mis en contact, hein. Oui. Chanteuse québécoise qui est en Alsace, je comprenais pas trop. Qu'est-ce que c'est tout ouais. ça ouais. Non, mais c'est tout à fait voilà quoi. Alors, je dis toujours le temps passe vite. Alors, oui, le temps passe. Oui, alors ce que j'ai choisi l'autre chanson. Oui. Hein. Ça m'a. Ça, mais, non, mais c'est très bien. T'es un ça homme, je suis sûr oui. que je connais le titre de la chanson que après, tu. Après les hommes de 40 ans, n'est-ce pas? J'ai choisi cette chanson-là, Le déshabillé noir, c'est ça? Ah ouais, ouais, voilà. Ça, je m'en doute. Alors, ça m'a fait sourire. Non, mais c'est bien, c'est comment je dirais, c'est. C'est drôle. C'est drôle, c'est voilà, juste c'est ça. Drôle. Et puis ça en vient à dire ce que j'ai dit juste auparavant sur les femmes qui ne s'acceptent pas. Hein. Bien sûr, oui, moi, tout oui, à fait. Oui. Moi, un petit déshabillé noir, ça ne m'énerve pas. Et je vous l'avais dit en aparté tout à l'heure, hein, quand on était ensemble. C'est vrai que j'ai un ami qui bon, je suis un petit peu de chansonnette. J'ai un ami qui m'a dit, écoute Gilles, je vais t'écrire une chanson. Bah, je dis oui, écoute, je veux bien, on verra bien. Voilà, ça s'appelle Dentelle Demoiselle. Alors, quand j'ai entendu cette chanson-là, il faudra que je la fasse écouter à mon ami Philippe de Curé, que je cite d'ailleurs, voilà, n'est-ce pas, Dany? Donc, il faudra que je lui fasse écouter. Donc, on va l'écouter, cette chanson. C'est ça, Le déshabillé noir. On en un reparle, petit déshabillé un noir. Un petit déshabillé ça, noir, pardon. Il rêvait de me voir. J'étais bourré de complexe, j'étais vraiment très perplexe de voir ma culotte de cheval dans ce bout de tissu peu banal. J'ai fini par prendre sur moi, je me suis dit qu'après tout, pas la peine que je fasse quelque chose, faire réagir son petit bout. J'ai fini par enfiler, se déshabiller dentelé, c'est avec une ficelle entre les jambes que je suis rentré dans. la chambre. Mais lorsque je vous laisse imaginer ce qui est arrivé, un petit déshabillé sale, je vous laisse imaginer la suite. Ça faisait quand même des années qu'il me voyait chaque soir arriver dans ma petite maudite jacket verte, tout décousu en flanellette. C'est sûr que j'étais peau excitant, je devais ressembler à Satan, qui avait l'impression officielle de coucher avec sa poubelle. Vous auriez dû y voir la face, il se foutait ben mes fesses flasques. Ben oui, il m'a trouvé belle dans mon déshabillé en dentelle, et c'est en dansant sur le lit j'ai excité mon petit mari. Mesdames, c'est moi qui vous le dis, le Viagra c'est fini. Chaque soir arrivé dans ma petite maudite jacket vec, tout décousu en flanellette. C'est sûr que j'étais beau excitant, je devais ressembler à Satan, y avait l'impression officielle de coucher avec sa poubelle. Alors sortez de vos jaquettes pour aller faire vos emplettes, y a des boutiques spécialisées où l'on pourra vous conseiller pour améliorer le désir. Je vous conseille d'un comme c'est agréable, une paire de petites culottes mangeables. Mais là, je vous laisse imaginer ce qui peut arriver. Un peu de fantaisie, ça excite. Je vous laisse imaginer la suite. Remplacez vos vieilles jaquettes par un petit truc bien plus chouette. Et retenez vos maris loin du démon du midi. Un peu de fantaisie, ça peut changer. Mesdames, c'est moi qui vous dis, c'est juste un petit conseil d'amis. Là-dessus, je m'en vais vous laisser, parce que je m'en retourne magasiner. Et voilà, le petit déshabillé noir. Eh oui. Eh oui. C'est bien ça. Ça c'est, il faut voir le contexte en spectacle. Oui, bien sûr. Il faut voir le contexte en spectacle, parce que en spectacle je parle des hommes de ma vie et pour en arriver à des complexes, hein, les femmes, moi j'étais, je vais vous dire là, je dis ça pour les femmes, mais s'il y avait quelqu'un de complexé, c'est bien moi, j'étais complexée au bout. D'accord. Et dans le contexte, je raconte que bon, j'avais une jaquette verte que je mettais, puis que ça c'est une jaquette qui tue l'amour, hein, quand oui, on, on n'a pas envie de... Oui, quand on n'a pas... Quand on n'a pas envie... C'est le contraire du déshabillé, moi. Oui. Et que quand j'ai connu mon chum, qui m'a dit que ma jaquette n'excitait pas du tout. Attends. C'est toujours des histoires. C'est Christophe qui t'a inspiré peut-être ta chanson là, non? Bon, non, je veux pas tout, on va pas tout dévoiler. Le chum d'avant. Soit... Mais puisque je veux plus parler du chum d'avant. Oui, bien sûr. Bah oui, non, je m'excuse, hein, je veux pas. Je dis que c'est. Non, mais ça aurait pu. Mais oui. De toute façon, s'il y a quelqu'un avec qui je m'épanouis bien. C'est bien mon beau Christophe devant moi. Bien sûr. Donc, cette jaquette verte, là, elle a pris vraiment la barre. On n'en a même plus dans la maison. Ouais. Non, mais c'est vrai, je peux. Il y a vraiment non, c'est vrai, mais il faut vraiment le voir en contexte, dans le cadre du spectacle. Du spectacle. Parce aussi, que moi, en spectacle, c'est que je raconte pourquoi j'ai écrit telle chose. Et puis, parfois, les avant-chansons. Ça peut être assez drôle. C'est de l'humour, vraiment. Oui. Où les gens se retrouvent, mais se retrouvent. Pas à peu près. Parce que je suis loin d'être la seule. Là, mais non, mais c'est très réaliste, quoi. Je veux dire, c'est vrai. C'est réaliste aussi. Mais les gens se retrouvent autant dans les chansons rigolotes que rigolotes. Et les chansons tristes. Et les chansons tristes. Plus tristes, un peu. Parce que même les chansons rigolotes sont porteuses de messages. Oui, bien sûr. Mais c'est plus difficile à écrire. Qu'est-ce qui est plus difficile à écrire? Les chansons touchantes, voilà, sont difficiles à écrire. Les chansons rigolotes, c'est hyper facile. Oui. Je compose ça dans le temps de le dire. Oui. Deux heures, puis j'ai écrit le déshabillé noir. Hein. Ça peut être très, très long. Les femmes matures, c'est pareil. Par contre, quand j'ai voulu écrire Lettre à mes enfants, ouf, que j'ai mis du temps. Voilà, c'est ce qu'on va écouter dans quelques instants. Ça s'en vient. Oui, ça vient. Alors, on peut l'écouter puis on en parle après. Bien c'est sûr, comme, bien sûr, c'est ouais. Comme tu veux. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est une chanson. C'était une chanson qui m'a mis, que j'ai mis 17 ans à pouvoir finaliser. Ouais. Ah d'accord, ouais. Ok, ouais, ouais. Alors donc, ben, on écoute Lettre à mes enfants. J'écris mille fois vos prénoms sur le papier. Des lettres à mes enfants, restait un titre inachevé. J'écris tellement souvent ce que je ne vous ai jamais dit. Pendant que vous, entre-temps, vous avez bien grandi. J'ai pris 100 fois un crayon qui me dictait des mots. Le reposant chaque fois, le cœur à fleur de peau. Trop de larmes dans les yeux, m'empêchant d'écrire les mots que 100 fois j'aurais voulu vous dire. Je pourrais aujourd'hui perdre la voix, perdre le reste de mes combats. Car ma plus belle chanson à vie, c'est vous deux qui l'aurez écrit. Je ne serai jamais fière de n'avoir pas été à la hauteur de la mer que vous auriez mérité. Mais ce qui me donne le courage de me pardonner, c'est vous voir aujourd'hui si bien évoluer. Je vous vois grandir heureux et bien dans votre peau, le regard plein d'amour. Vous êtes tous deux si beaux. Vous me rendez tellement fière que pour moi il est clair que malgré mes regrets, je n'aurais pas mieux fait. La définition du mot mère, je ne l'ai pas écrit. J'ai juste écouté mon cœur et fait ce qu'il m'a dit. Mais quelque chose dans votre voix me rassure totalement. J'entends le mot maman. Je pourrais aujourd'hui perdre la voix, perdre le reste de mes combats. Car ma plus belle chanson à vie, c'est vous deux qui l'aurez écrit. Plus de doutes, de regrets, de questions. Et je remercie la vie en posant mon crayon. Mon âme posée sur le papier vous le dit sincèrement. Le plus beau cadeau que m'a fait la vie, c'est vous deux, mes enfants. Le plus beau cadeau que m'a fait la vie, c'est vous deux. Voilà, donc on vient d'écouter Lettre à mes enfants, Caroline, hein, c'est une très belle chanson, d'ailleurs on a des frissons là, on rit bien, on a de la bonne humeur, mais c'est vrai que voilà, bon il faut, c'est vrai que là ça donne des frissons cette chanson. Je l'entends pas souvent parce que je l'écoute pas souvent, oui. Mais chaque fois que je la chante, elle vient toujours me... J'ai toujours les larmes. Ça doit peut-être pas être évident à interpréter cette chanson. Enfin, je veux dire, par rapport justement à ce que tu ressens. Oui, parce que chaque fois que je chante cette chanson-là, de façon, mes spectacles sont dédiés à ceux que j'aime. Et oui. Ce que j'aime le plus au monde, c'est bien mes deux garçons, mes deux enfants. Et pourquoi cette chanson? Parce que la vie a fait en sorte que de me donner deux enfants fantastiques, merveilleux, que je n'ai malheureusement pas eu la chance d'élever comme j'aurais voulu. Oui. Je ne dis pas que je ne les ai pas élevés. Oui, oui. J'ai dit que j'ai manqué beaucoup de de périodes de leur vie importantes, oui. et ça m'a toujours traumatisé. Bien sûr. De par ton métier. De par mon métier, pas parce que j'ai voulu. Non, bien sûr. Je voulais pas les élever, mes enfants. Mais je devais choisir. Je devais choisir entre partir en tournée ou être avec mes enfants. Oui, bien sûr. Mais puisque j'avais des beaux-parents extraordinaires, sur qui je pouvais complètement me retourner pour pouvoir prendre soin de mes enfants, les éduquer et puis en prendre soin, je pouvais continuer de chanter. D'accord. Ce que j'ai fait, j'ai choisi de chanter. Et de toute façon, ma belle-mère me dit tout le temps... T'as fait un bon choix parce que tu m'as donné une seconde vie en me permettant de m'occuper de tes enfants. D'accord. Et aujourd'hui, maintenant, avec le recul, je sais bien que j'ai fait un très bon choix. Mes enfants, ils sont loin de m'en vouloir. Ils ont été élevés par les grands-parents. Oui. J'étais là. Il ne faut pas penser que j'étais pas là. Oui, non, bien sûr. Quand je revenais de tourner, j'étais là 24 sur 24 avec eux. Mais j'étais plus comme une grande sœur. Oui. J'arrivais plus comme une grande sœur dans leur vie. Ils étaient contents de me voir parce que c'était comme la fête. Bien sûr. Oui. Moi, j'étais pas là pour les réprimandes. Voilà, c'était plus. Voilà. Oui. Moi, maman revenait avec eux. On va avoir du fun. Parce que j'étais avec eux et à 100%. Maintenant, si tu analyses ça comme il faut, les femmes qui travaillent aujourd'hui, peut-être qu'ils partent pas un mois, mais ils partent tous les jours. Ils partent le matin de bonne heure, ils mettent les petits à la garderie, ils reviennent le tard le soir. Et la qualité de vie avec les enfants n'est pas nécessairement si bonne que moi, je comprends ce que tu veux dire. Étant partie un mois, mais en revenant, je m'étais ennuyée que j'étais là 100%. Bien sûr. C'est vrai. J'ai toujours eu ce regret-là, pareil. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit, vas-tu me le reprocher plus tard? Comme tu dis, les femmes qui travaillent maintenant, comme tu dis, voilà, c'est le matin, on démarre de bonheur, le soir on se couche tard, on est fatigué, on n'est peut-être plus patient, la patience à l'écoute des enfants, etc., il faut pas toujours moi je veux dire que j'ai plutôt eu de la chance à ce niveau-là, parce que bon, celle qui en a pris soin, c'est ma belle-mère, qui est d'une patience infinie, qui était institutrice, qui les a vraiment bien éduqués. Ils étaient à bonne école, on va dire, pour faire le jeu. Et puis la belle stabilité par rapport à ça, une belle stabilité. Je veux dire, même si moi ma vie est instable complet, eux, ils sont fixes. Et puis, ça a fait des enfants extraordinaires. Vous êtes toujours... Il n'y a pas de souci. Ils n'en ont jamais eu aucun souci. Ils évoluent merveilleusement bien. Je remercie la vie énormément d'avoir des enfants si bien. Bah, c'est bien. Franchement. Alors, c'est pareil dans cette chanson-là. Quand j'ai écouté aussi, j'avais aussi l'impression que tu avais des petites intonations de Michel Thor. Je sais pas si je dis des bêtises. Hein. Michel Thor a dû certainement influencer mon intonation, parce que la voix se forme quand t'es jeune. Oui, bien sûr. Quand je suis jeune, ce qui a été mon exemple un peu, c'était Michel Thor. Bien sûr. Je chantais du Michel Thor. Ouais. Donc, tendance probablement à imiter la façon de chanter de Michel Thor. J'ai pas fait exprès. Sans vouloir l'imiter, mais non, voilà. Non, sans vouloir du tout. Peut-être de chanter. Quand on est enfant, c'est nos exemples. Bien sûr. On déteint un peu là-dessus. Donc, c'est probablement ça qui a fait la voix. C'est ce que je ressentais, moi, quand j'ai écouté, pas parce que j'ai voulu l'imiter du tout, mais parce que je l'ai tellement, tellement chanté et entendu. Bien sûr. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes sur le 107FM, Radio Guémozo, les années bonheur. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou au téléphone, vous avez encore le temps, au 03 29 62 40 40. Vous voyez ici, il y a de la bonne humeur, alors n'ayez pas peur, ne soyez pas timide, appelez-nous. Non. Appelez-nous. Alors, un autre petit message que je suis en train de regarder... Non, il n'y a plus de petits. Je croyais. Bon, alors, les projets, Caroline, qu'est-ce qu'il y a comme projet, là? Futur projet dans... De très beaux projets. Le projet pour l'hiver, c'est, on va être dans le sud, je pense nos hivers dans le coin de la Floride, et puis avec un ami qui s'appelle Boum Boum, qui est un Haïtien de réputation internationale, on est en train de faire des remixes, puis un gros projet qui va se faire des remixes dance. C'est complètement hors de ce que j'ai l'habitude de faire. D'accord. Alors on fait ça avec lui pour les îles. Ensuite, moi, de mon côté, je veux faire des prochains albums de composition. J'ai deux albums de déjà écrits, oui. Mais j'attends pour pouvoir les produire, d'avoir la bonne équipe autour de moi, le financement qu'il faut, oui. Pour pas me tirer dans le pied, pour pas que les albums restent sur les tablettes. C'est tellement difficile aujourd'hui. Je veux avoir une bonne promotion de ces albums-là. Donc, s'il faut attendre encore, j'attends encore, mais j'attendrai le bon moment avec les bonnes personnes pour sortir les deux albums de composition. En attendant, j'ai deux albums de chansons françaises que j'ai fait tout simplement parce que quand on était à l'Audiban, la chanson française c'était la chanson à chanter. En fait, je pouvais pas chanter mon petit déshabillé noir au Liban. Ah oui, c'est alors, sûr. Alors j'ai mis en place un spectacle de chansons françaises qui a connu du succès, qui connaît du succès. Et on me demande de plus en plus de faire des spectacles hommages à la chanson française. D'accord. Alors, je fais ça aussi, ce qui me permet de ramasser les sous pour pouvoir faire mes propres choses à moi, mes trucs à moi. Et il y a aussi des projets avec les écoles. Ah. Moi, j'adore nos jeunes. Et je leur souhaite tellement que la vie leur soit bonne, mais c'est pas facile de grandir dans ce monde, comme on en a parlé au début. Et j'ai un projet merveilleux que je veux proposer aux écoles ici en France, qui s'appelle « Changer le monde ». C'est une chanson que j'ai écrite, et puis, spirituellement parlant, je crois tellement au positif des choses. Je veux enseigner aux jeunes qu'il faut croire à leurs rêves. Oui. Puis j'en suis la preuve vivante d'ailleurs, avec mon expérience de vie, puis avec mes chansons, Achinoachi qui est pour la dignité, Changer le monde. Je veux aller dans les écoles et avec les jeunes monter un spectacle, leur apprendre certaines chansons, les faire danser, les faire les décors, monter un gros spectacle. Un gros spectacle. C'est des ateliers scolaires, je vais leur raconter qui je suis, d'où je viens. Oui. Et ensuite... Ça, c'est bien, je veux dire, c'est toujours enrichissant. Oui, ça va être des trucs très enrichissants pour eux. C'est motivateur, très motivateur. Ça va être très motivateur. Et puis, avec eux, on va changer le monde. Changer le monde. Fabriquer des capteurs de rêve. Inukshuk. On va croire à leur rêve, on va garder notre estime de soi, parce que c'est tellement facile, l'intimidation aujourd'hui, la violence dans les écoles. Bien sûr, beaucoup c'est la violence. C'est épouvantable, et ça me touche. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce spectacle-là. C'est une petite présentation dans les écoles, puis ensuite, les écoles qui le souhaitent, je m'implique avec les jeunes et on monte un spectacle et pour Noël ou d'autres temps. Mais, les jeunes vont participer au spectacle. Les jeunes participent à tout niveau. À tout niveau au spectacle. Donc, je les fais chanter, danser, faire les décors, s'impliquer dans la technique, s'impliquer dans l'éclairage. Oui. Écoute, je prends les jeunes puis je dis, t'aimerais quoi faire? Oui, dans quel domaine? Oui, bien sûr. Et après ça, on y va. Et puis ça motive aussi. C'est très motivateur. Et puis les textes de chansons, ils les apprennent par cœur. Et ils savent d'où ça vient. Donc, je pense que c'est ma façon à moi d'aider nos jeunes à changer le monde. Ah, c'est une belle... C'est vraiment une belle idée. C'est bien. Alors, on va écouter cette chanson. D'accord. Changer le monde. Société en drôle d'état. On se procure facilement des armes, fabrique des bombes artisanales. Et quand ça fait pas l'affaire, sans hésitation on s'en sert. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? On banalise trop la violence. se faire du fun. On tue des vieux pour une pièce ou deux, pour des différences, les choix des dieux. Partout des alertes à la bombe, des métros et des tours qui tombent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde sans laisser faire, sans avoir honte? Faut commencer par se donner une chance. On banalise trop la violence. En pleine folie, toute cette violence et tous ces mots reproduits en jeux vidéo, et cette extrême vulgarité jusque dans les bandes dessinées. Changer le monde, Caroline. Ouais. C'est vrai que ce monde, bon, comme tu dis, il faut aller de l'avant, tout ça, mais. Mais moi, en tant que chanteuse, oui. Si je peux faire. T'sais, tant qu'à chanter des choses, si ça peut faire une différence, c'est un peu le but. Puis, je dis, la musique en soi, c'est quand même aussi une bonne chose. Oh, déjà, bon, quand on a des petits soucis, quand on a des. C'est une bonne thérapie. C'est une bonne thérapie, voilà. Oh, oui. Quand on a des soucis, des petits problèmes, ou même. Ouais. Plus grave, enfin, je veux dire, ça fait du bien quand même. La musique fait du bien, puis on se retrouve la plupart du temps, quand il arrive quelque chose dans la vie, il y a toujours une chanson pour nous réchauffer le cœur. C'est ce que j'allais dire, oui, tout à fait. Qui raconte notre histoire et puis qui vient dans laquelle on se retrouve. Qui nous rappelle des souvenirs, et tout ça. Ouais. Ou juste pour se motiver aussi, des fois. Tu sais, ah oui, ou bien sûr tu aussi. T'es pas trop motivé. Voilà, tu mets la musique et puis bon. Et puis hop, c'est parti. C'est vrai, tout à fait. La musique, c'est important. Puis d'ailleurs, beaucoup, par mes chansons, beaucoup de gens m'écrivent et me témoignent que certaines, qui se retrouvent dans certaines des chansons. Par exemple, Lettre à mes enfants. Oui. Mais celle que j'ai le plus de commentaires, de témoignages, c'est la suivante. Je vois si tu as fait laquelle tu sais. J'aurais dû la cacher. C'est ma playlist. Tu pourrais la cacher, mais cette chanson-là, c'est une chanson qui a été vue. Plutôt entendu par des milliers de personnes. D'accord. Et ça, sans que je fasse vraiment la démarche pour ça. Mais ça touche beaucoup. Apparemment, ça touche vraiment beaucoup. Et puis, les commentaires, les témoignages sont touchants pour moi parce que quand on m'écrit par rapport à cette chanson, je te dis, j'ai eu des choses extraordinaires. Mes plus belles rencontres de ma vie sont arrivées par cette chanson. C'est pour nous, quand on dit la musique apporte. Oui. Pour moi, la musique m'apporte tout. La musique, pour moi, c'est ma vie, c'est ma survie. Bien sûr, même. D'accord. Ouais, ouais. Donc, cette chanson-là, pour moi, est importante. Et quand je l'ai écrite, je ne pensais pas qu'elle pourrait être importante comme à ce point-là pour beaucoup d'autres personnes. j'en suis fière, vraiment, vraiment très fière. Elle est vraiment, mais on a tellement d'amis qu'on a rencontrés par rapport à cette chanson. D'accord, d'accord. Oui. Okay. Donc, si, qui s'intitule « C'est demain », c'est bien ça. C'est la chanson qui s'intitule « On va l'écouter dans quelques instants. Alors, je voudrais quand même que tu nous dises, Caroline, où c'est qu'on peut se procurer tes albums, parce que voilà, si nos auditeurs, nos auditrices, voilà. Ouais, pour les gens du Québec, c'est un petit peu plus facile, mais c'est quand même, on peut s'en procurer quand même pour les gens de la France. Il n'y a pas de problème à les envoyer. J'en envoie régulièrement tous les jours en France. Au Québec, ils sont distribués chez Plage Distribution Nouveau-Brunswick. Oui. Alors j'ai mon ami aussi qui est du Nouveau-Brunswick, là, qui est Marie-Ange, là. Je te salue, Marie-Ange. Et puis au Nouveau-Brunswick, non, puis au Québec, c'est Infini Communication à Trois-Rivières. À l'Infini Puis sinon, ben, s'il y a des albums qui n'ont pas eux, j'ai des collaborateurs au Québec. J'ai Régent, qui est dans la région de l'Assomption. Régent Loyer qui travaille pour moi, qui envoie les albums quand j'ai les commandes. Et dans la région de Québec, c'est Solange. D'accord. Et Solange Commandant. Ma belle Solange. Solange Poulin. qui envoie mes albums aux fans. D'accord, ouais, ok. Et ici, c'est la même chose. Ici aussi, j'ai quelqu'un, Karine, chez qui j'habite en Alsace, qui s'occupe d'envoyer des albums en France. T'as une petite équipe quand même autour de toi. Oui, j'ai une équipe. T'as une petite équipe autour de toi. En fait, c'était des amis, des fans, auxquels je me suis attachée. Oui, bien sûr. Eux autres sont attachés à moi. C'est plus qu'une équipe. C'est plus qu'une équipe. C'est Marie-Ange, par exemple. Mais tous, je les aime tous, puis je peux pas les nommer tous. Oui, bien sûr. Ils ont tellement fait pour moi, ces gens-là. Je fais une petite aparté parce que ça me rappelle, parce qu'on dit, on peut pas dire, faire des coucous, des bisous. On fait beaucoup de coucous, de bisous à tout le monde, mais on peut pas. En général, à tout le monde. Surtout pas citer des noms, parce que il faudrait trop que j'en cite. Alors là, je fais un petit clin d'œil, puis je fais un petit coucou à mon ami Pierre Charby. Je ne sais pas s'il est à l'écoute, parce qu'avec Pierre, on fait une émission toutes les six semaines, un spécial hommage aux crooners, les grands chanteurs, Tom Jones, Engelbert Humperdinck, puis les anciens, quoi, voilà. Et puis bon, avec Pierre, il est très bavard, moi je suis très bavard aussi. Alors la première émission, Pierre faisait des petits coucous à tout le monde. Ça fait qu'on a dû passer une dizaine de chansons, sur une heure et demie, puis après, bon, on s'est dit, le prochain coup, on est moins bavard. Puis voilà. Non, mais ça me fait sourire parce que franchement. Plus de chansons. Non, non, mais voilà, ça me faisait pas penser à ça. Autrement, Caroline. Donc, tu touches, t'as de beaux projets, tu nous en as parlé. Oui. Autrement, en concert, tu touches quel genre, quel genre de public? Quel genre de public Écoute, ça varie énormément. Oui. Normalement, c'est les gens. Passer la quarantaine, je pense, oui. Mais les enfants s'attachent beaucoup à moi. Oui, quand je vais dans les écoles, par exemple, je sais qu'ils m'aiment vraiment beaucoup, les enfants, mais je les aime, c'est facile. Mais mon public cible, c'est les personnes matures. C'est les personnes matures, Oui, c'est les hommes matures, les femmes matures. Mais hier soir, on était chez des amis, et il y a le petit garçon, l'enfant de nos amis. Je sais pas, 8 ans, petit, je sais pas exactement quel âge qu'il a, il s'appelle Jules, et puis il a dit, il nous a montré qu'il avait des chansons de Caroline. D'accord. Oui, ouais. C'était vraiment. Non, mais je pense, vrai. Et puis en voyant Caroline le sourire et tout, je veux dire, avec puis toute cette énergie qui est là, je pense qu'on ne peut pas être insensible à ça. Hein, c'est vrai que même si c'est des jeunes personnes, je veux dire, c'est vrai que non, mais c'est vrai, il y a de l'énergie. Les ados. Certains ados. Certains ados, mais même là. Ouais. Écoute, hier, il y avait un ado, puis il est resté à la table avec nous toute la soirée, puis il s'est impliqué dans la conversation. Bien sûr, c'est un ado, c'est un bel ado. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beau critiquer, mais on a des beaux ados. Oui, très beaux ados, plein d'ambition, puis plein de. Puis j'aime beaucoup les jeunes. Alors, on va peut-être écouter cette chanson, oui. Hein, parce qu'il est 17h20, ça passe vite. Ça passe vite. Ça passe vite. Ouais, on va donc écouter « Si demain ». La terre n'arrête pas de tourner, mais la vie, elle, s'arrête toujours. Faire ne pas y penser, jamais prêt à s'en aller. Demain doit toujours arriver. Mais si demain n'arrivait pas. Si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre ses passions, ses folies. De vie, partir digne comme elle l'a choisi, comme mon départ sera venu, quand pour moi demain ne viendra plus. J'espère laisser derrière moi le souvenir qu'il vous faudra pour aimer la vie comme moi. Caroline, voilà, encore une très belle chanson, très belle interprétation. Merci beaucoup, Gilles. Ah ben non, mais ça me, c'est très sincère parce que, comme je disais en aparté, j'avais reçu tes chansons, toutes m'ont touché, hein, que ça soit sur les chansons un petit peu plus, drôle, puis un petit peu plus rythmé, un petit peu plus avec des textes beaucoup, un petit peu plus léger, on va dire. Hein, oui. Ouais. Mais bon. Et puis là, on vient d'écouter quelques chansons. C'est un peu ma personnalité. C'est qui je suis. Je suis quelqu'un qui prend les drames, moi, dans ma vie. Là, la vie est un drame. Alors, s'il faut qu'on s'en fasse des petits drames à toute minute. Oui, non, moi, sûr, ouais. les choses qui ne sont pas importantes, je les passe en humour et on ne s'arrête pas là-dessus. On n'en fait pas un plat. Bien sûr, ouais. Mais il y a des choses dans la vie qu'il faut s'arrêter. Puis, il faut prendre conscience aussi que la vie est courte. La vie est fragile. Si demain, c'est la dernière chanson du spectacle, je termine toujours avec Si demain. C'est une façon de remercier les gens, de me permettre d'être là devant eux, qui sont là pour m'écouter. C'est un grand privilège de la vie de pouvoir chanter, de raconter des choses et être écouté par les gens. Oui. Quand ils m'applaudissent, c'est ma vie, je veux dire. Bien sûr. Mm-hmm. Je ne sais pas si eux me disent que je leur apporte beaucoup, mais ils ne sont pas conscients que eux m'apporte beaucoup, que si eux n'étaient pas là, je ne serais sûr. Pas non plus. Exactement, c'est vrai. Et puis que je leur dois tout. Je leur dois d'être une chanteuse, c'est pour ça que j'écris. Tous les artistes, c'est vrai, bon, je dirais, ça apporte des beaux messages comme ça avec les chansons. Puis après, le retour pour l'artiste, ben, c'est le public qui est là. Oui. Bien sûr qu'il y en a qui écoute l'artiste, etc. Voilà. Ça, c'est un beau retour. On n'est pas un artiste. Bien sûr. Chanter dans ma douche, ça ne m'intéresserait pas. Bien sûr. Mais ouais. Chanter pour les gens et d'avoir la reconnaissance et puis le partage que j'ai avec ces gens-là. Bien sûr. Ouais. C'est pour moi. C'est, parce que je pense que, bon, c'est vrai, bon, on enregistre un CD, des musiques, ça, voilà, on est en studio, tout ça, c'est bien. C'est, oui, oui, bien. C'est bien. Mais le principal, c'est sur scène. Oui. Hein, c'est moi, je vis pour la scène. Bien sûr. Caroline, elle est vraiment aimée, appréciée par les gens. Je ne dis pas ça parce que ma conjointe. Bien sûr. Ouais. Mais c'est parce que vraiment, elle prend le temps après les spectacles, rester avec le public, bah voilà, signer des autographes, faire des photos. Aller rencontrer les gens aussi. Je vais rencontrer les gens aussi. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et ça, on sûr. Le doit au public, parce que sans le public, on n'est rien. Parce que pour avoir vu, moi, des fois quelques concerts d'autres artistes, je veux dire, c'est vrai que. Il n'y a pas tout le monde qui les gens. Non, tout le monde ne le fait pas, ça. Tout le monde ne le fait pas, ça. Non, tout le monde ne le fait pas. Après, c'est sûr, si tu trouves dans un zénith de 5000 personnes, bon. Mais je ne sais pas si les gens. Voilà, mais y a, tout le monde ne le fait pas, tout le monde le fait pas. Bah, certains artistes on sent pas beaucoup conscients les... à ce point-là. Certains artistes, c'est éphémère. C'est, du jour au lendemain, tu peux être élevé. Oui. Du jour au lendemain, tu peux ça être peut très bas. Redescendre, oui, alors, bien sûr. Certains artistes ne sont pas conscients. Si des artistes prennent la grosse tête, comme on me dit souvent, « Oh, mais toi, tu n'as pas la grosse tête. » Non, et je ne l'aurai jamais, crois-moi. Parce que on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Bien sûr, bien sûr. Ça peut vite... ça tourne très vite. Absolument. Ça peut vite... Donc, la grosse tête, non. Oui. Il y en a. Bon, heureusement, c'est la minorité. Non, mais c'est si chaque artiste était conscient qu'il ne serait sans le public, ils ont des fois des... il prendrait le temps de le respecter. Eh bien voilà, alors écoute, il est 17h28, on va terminer tout doucement. Ouais. Donc Caroline, je te remercie. C'est nous qui te remercions. Et puis, Christophe, bien sûr. On ne l'a pas laissé parler beaucoup, il n'y avait pas de micro. Merci. Merci beaucoup aussi. J'ai quand même fait un effort. Et puis bien sûr, merci Lou pour la technique. Mais de rien, c'était un plaisir de faire ça avec vous. C'était vraiment un plaisir de vous avoir, alors tous les deux. Alors le sourire, vraiment ça c'est... Voilà, et puis le sourire de l'animatrice aussi. Du soleil ici. J'aime bien, studio. C'est du soleil. Et puis Caroline, avec ses explications sur tes textes, etc., c'est magnifique. Tu donnes une leçon de vie, je dirais, moi, pour tout ce que tu nous as dit. Merci, non, mais c'est franchement, et puis c'est de belles chansons, donc que je recommande, qu'on rappelle, hein, donc, pas de problème si les auditeurs, auditrices, sur YouTube, venez voir surtout en spectacle, si je passe dans votre région, ou n'hésitez pas. Et je rappelle. Excuse-moi, je rappelle donc le concert de vendredi 8 juin à Bissheim. Bissheim. À Bissheim, j'ai bien prononcé. Voilà, merci à tous les deux encore. Merci. Et puis on reste bien sûr en contact et à très bientôt. Merci. Merci. Alors auditeurs, auditrices, voilà, l'émission se termine. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Donc je pense que la semaine prochaine je serai avec mon ami Pierre Cherby pour un nouveau numéro, un nouveau volume de hommage au crooner. Bye bye à tous, portez-vous bien. Merci. En chantant Shabadabada, je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch ont couru. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air.